Les villages s'appellent Sauterne, Saint-Estèphe ou Saint-Émilion. Les pierres sont belles et la lumière est bonne entre les vignes et la braconne. Toute une enfance à l'ombre de la maison de mon grand-père. J'étais si jeune et je regardais la Garonne. Et je ne pensais à personne quand je rêvais à l'homme à qui plus tard ma vie de femme serait liée. Comme la Garonne qui roule et sonne comme un accent, j'ai la passion d'être amoureuse de tout mon cœur, de tout mon sang. Comme la Garonne qui s'élargit vers l'océan, qui tourbillonne et s'abandonne, j'ai toujours su que je l'aurais, ce grand amour. La forêt et l'océan au bout, la terre nue, les grands pins fourbus, la vie qui m'a roulé comme elle pouvait, mais pas vraiment comme je voulais. Et un après-midi, un de ces orages soudains et qui vous jette la folie en tête sur la peau d'un homme un peu poète, mais qui après tout n'est qu'un homme. J'ai tellement d'amour, tout à coup, je te le donne. Comme la Garonne qui roule et sonne comme un accent, j'ai la passion d'être amoureuse de tout mon cœur, de tout mon sang. Comme la Garonne qui s'élargit vers l'océan, qui tourbillonne et s'abandonne, j'ai toujours su que je l'aurai. Passion